Bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Sur, je vais dire le chiffre en français comme il faut, 89.5 à Saint-Étienne sur Radio Dio, notre super émission Comme une ouragan, l'émission féministe qui est là, un nouveau créneau, une mardi sur deux à 21h jusqu'à 22h ou de temps en temps un peu plus long. Bon, on verra. J'avoue, le jingle, je crois, elle était un peu plus joyeuse que nos thèmes, mais le thème de cette soirée. Mais bon, on verra. La technique a une petite recommandation à faire. Est-ce que tu veux bien déplacer ton micro et parler vraiment en face? Parce que le volume, il est très bas dans l'enregistrement. D'accord. Merci. C'est bien qu'il n'y a personne qui entend la technique. C'est seulement moi dans mes oreilles, je suis sûre. Alors, tu as envie de nous dire de quoi on va parler aujourd'hui? Ouais, carrément. Du coup, dans Comme un ouragan aujourd'hui, on s'était dit, il y a de cela deux semaines, finalement, qu'on allait faire une émission d'actualité. Il se trouve que l'actualité, il y a de quoi en dire. Nous, ce qu'on s'est dit, c'était que voilà, là, on avait pas mal envie de aussi relayer des textes et des prises de position et des prises de parole qui, dans toute la merde raciste et islamophobe ambiante, on avait trouvé importante à relayer et qui nous avait fait du bien et qu'on trouvait être des prises de position politiques fortes. Et voilà, du coup, en fait, on va surtout s'écouter soit des petits bouts de montage, soit on va vous lire des textes à partir de communiqués de presse de camarades qui ont pris le temps d'écrire. Du coup, il y aura un petit montage retour sur la marche contre l'islamophobie et le racisme d'État qu'il y a eu à Saint-Étienne le 16 octobre dernier. On va aussi écouter Marwan Mohamed, qui est l'ancien directeur et porte-parole du CCIF, expliquer qu'est-ce que c'est que le collectif contre l'islamophobie en France, aussi pourquoi est-ce qu'il est attaqué et qu'est-ce que le CCIF défend. On va s'écouter de la super musique à différents moments. On va aussi lire un communiqué de presse écrit par l'Union juive française pour la paix, qu'on trouve aussi très intéressante. Et en dernière lecture, on aura aussi une lettre écrite par une camarade féministe kurde née en Irak qui s'appelle Ouzan Mahmoud. Et on finira sur un montage d'un camarade qui a participé à la marche des solidarités, marche des sans-papiers, qui est montée pendant un mois pour finir en grosse manif sur Paris le 17 octobre dernier. Mais voilà. Quel beau programme ! Mais tout à fait. Ouais. Et là, on va écouter le petit montage qu'on a fait pendant la marche contre l'islamophobie et le racisme qui a eu lieu à Saint-Étienne le 16 octobre. Et voilà, on va s'écouter ça un peu. Non ? C'est bien. Je vais vous lire le communiqué du collectif. Le 2 octobre 2020, en pleine crise sanitaire et alors que la crise sociale ne cesse de s'aggraver, le discours sur le séparatisme du président de la République a donné un nouveau coup d'accélérateur à la campagne islamophobe du pouvoir. Avec à l'horizon une loi qui devrait être débattue au Parlement d'ici le printemps. Cette campagne permanente avait connu une relance cet été avec le discours du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui, avec l'utilisation du terme « ensauvagement », a réactivé le vocabulaire le plus raciste de la colonisation. Cette campagne s'inscrit dans un contexte où le racisme en général et l'islamophobie en particulier sont omniprésents dans l'espace public et saturent les médias, avec des conséquences concrètes sur la vie de millions de personnes qui subissent insultes, discriminations et violences en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Il existe aujourd'hui dans le monde politique et médiatique une assignation au silence des musulmans et particulièrement des musulmanes. Dans des exemples très récents, on peut se rappeler le cas d'Iman Boun, étudiante et blogueuse culinaire associée par une journaliste du Figaro au terrorisme, ou encore le cas de Mariam Pouchtou, vice-présidente de l'UNEF, interrogée à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête portant sur les conséquences du Covid-19 sur les jeunes. Un député Les Républicains et une députée LREM l'ont boycotté, quittant l'audition sous prétexte de son voile. Le discours d'Emmanuel Macron a été suivi immédiatement de toute une série d'interventions policières dans des lieux de culture, d'enseignement ou de culte musulman. Pression, irruption de forces armées au milieu d'enfants, perquisition. Avant même la nouvelle loi, le pouvoir utilise ainsi les dispositifs liberticides accumulés depuis des années pour humilier et offenser toute une partie de la population. Tout le monde peut constater que l'arsenal législatif existant est plus que suffisant pour agir contre les pratiques qui seraient contraires aux droits. C'est bien le pouvoir qui aujourd'hui veut porter une nouvelle atteinte à la laïcité en faisant intervenir l'État dans la conduite du culte musulman en contradiction avec la loi de séparation des églises et de l'État. Que nous soyons de confession musulmane ou non, de culture musulmane ou non, nous devons réagir ensemble pour contrer cette campagne, stopper les agressions, empêcher l'adoption de nouvelles mesures répressives et de nouvelles atteintes à la laïcité. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une question démocratique aujourd'hui centrale. Car il est désormais clair pour de plus en plus de personnes que le racisme islamophobe est aujourd'hui le principal instrument par lequel le pouvoir cherche à diviser les classes populaires pour maintenir et renforcer les inégalités sociales et politiques et justifier des limitations toujours plus importantes des libertés publiques. Parce que le racisme est systémique, parce que c'est une question politique et pas seulement de morale individuelle, pour faire reculer le racisme et l'islamophobie, il ne suffit pas de les dénoncer. Créons un rapport de force, montrons que nous sommes nombreuses et nombreux à les combattre, déterminés à ne pas laisser faire. Merci. L'évolution de ces discriminations religieuses est spectaculaire. Alors qu'en 2008, seuls 5% des musulmans disaient subir des discriminations à motif religieux, ils sont 31% à le faire en 2016. Lutter aux côtés des concitoyens visés par toutes les discriminations s'impose comme une urgence pour la Ligue des droits de l'homme. Alors on est à la marche contre le racisme et l'islamophobie, il y a eu les prises de parole et là ça se met doucement en route. Du coup on va marcher, là on était place du peuple, il y a quoi, il y a peut-être 200-300 personnes. Non j'exagère peut-être, j'en sais rien, bon on verra. Là du coup ça se met doucement en route, pour l'instant il n'y a pas de slogan, il y a pas mal de drapeaux. On va marcher, voir un petit peu si ça gueule un peu. Alors là on est juste devant le départ de la marche et du coup il y a une banderole tenue par 4-5 personnes avec écrit dessus racisme, islamophobie, ça suffit. Cette marche a eu lieu le 16 octobre, le même vendredi que celui de la décapitation de Samuel Paty. Ce meurtre violent a suscité beaucoup d'émotions, de discours. Un pas de plus dans la violence terroriste et terrorisante. Décapiter un prof parce que son cours n'allait pas, c'est vrai que ça fait froid dans le dos, ça sidère, ça fait aussi envie de comprendre ce qui a pu se passer. Puis rapidement, les commentaires politiques, les descriptions, les prises de position médiatiques. L'urgence d'une réponse forte, immédiate. Mais comme le coupable est mort, qui est coupable, de qui faut-il se protéger? Depuis une semaine, tout a été entendu. Les politiques qui condamnent, les musulmans, les tchétchènes, les islamo-gauchistes. Et cette fois, contrairement à 2015, C'est plus question d'éviter l'amalgame entre violence, meurtre commis au nom de l'islam, assassinat violent d'un prof devant un collège. Et de l'autre côté, des associations qui défendent les droits des musulmans comme le CCIF ou des associations musulmanes humanitaires comme Baraka City. Tous les plateaux de télé, les plateaux radio, les journaux locaux, nationaux, les réseaux sociaux, partout, on entend des opinions toujours plus racistes, toujours plus revanchardes, nationalistes, qui dénoncent en bloc les musulmans en général et en particulier. En général et en particulier, ça veut dire qu'une catégorie de la population est supposée dangereuse, sans qu'on dise de qui on parle, sans qu'on précise de quoi on parle. Juste le fait de dire musulman, ça fait peur. C'est musulman, ça devient un danger, ça devient ce qui justifie n'importe quelle politique d'exception, comme si tous les musulmans étaient des terroristes en puissance. Et au-delà, dans le même mouvement, au-delà des musulmans et des musulmanes, finalement, toute personne, tout journaliste ou tout prof, tout universitaire, qu'il soit musulman ou non, qui va dénoncer ce qui se passe, se retrouve accusé d'islamo-gauchisme. Et du coup, ça devient pas possible, finalement, au nom de la liberté d'expression, ça devient pas possible de faire la part des choses entre les musulmans qui vivent ici et qui sont français, comme tout le monde, en fait, ou réfugiés, d'ailleurs. Et d'un autre côté, des actes violents et criminels qui, finalement, font assez froid dans le dos, mais en fait, à tout le monde. Nous ne nous reconnaissons pas particulièrement derrière l'appellation islamo-gauchiste, mais c'est sûr qu'en tant que féministe, il nous paraît vraiment important de nous positionner à la fois du côté de la condamnation du terrorisme islamiste et des violences qui vont avec, mais aussi de comprendre les mécanismes qui font qu'on en arrive là, et surtout de soutenir les musulmans ou les supposés musulmans qui sont visés par l'arbitraire de l'État et par des actes qui visent à silencier la parole des musulmans et à les faire passer pour des ennemis de l'intérieur qui nous font peur et du coup aussi à leur faire peur. Du coup, depuis notre point de vue de féministes non musulmanes, mais des féministes qui se battent contre toute forme de domination, nous nous mettons à avoir peur de cet État français qui cherche à imposer ses valeurs nationales, qui cherche à imposer comme valeurs nationales des processus politiques comme la démocratie et la République. Pour nous, c'est bien des processus politiques et ce n'est pas du tout des valeurs françaises, ce n'est pas la culture française. La culture et la politique, ce n'est pas exactement la même chose. Et liberté, égalité, fraternité, République et démocratie, c'est des processus en construction, c'est des idéaux à atteindre. Et ce n'est pas du tout des valeurs qui seraient nées dans le petit cadre franchouillard de la France. Et nous, c'est sûr que nous voudrions voir remise en cause l'islamophobie et le racisme d'État qui ont été au fondement au moins de la Troisième République. Et comme on ne les a jamais déconstruits, ça existe encore. Et nous voudrions comprendre comment on en arrive là. Ça veut dire comment musulman, à l'époque coloniale, a été une sous-catégorie de population et qu'encore à l'heure actuelle, la place qui est laissée aux musulmans en France, elle est un peu flippante. Pourquoi c'est flippant ? C'est déjà la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Elle dénonçait déjà les conditions spéciales qui étaient faites aux descendants de l'immigration, musulmans ou non d'ailleurs, mais surtout musulmans. Et comme si musulman, ça devenait une sorte de race, et du coup, que ça permettait de traiter les gens un peu moins bien qu'avec des lois d'exception. Et c'est aussi ce que les émeutes de 2005 ont cherché à dire, et là, c'était même plus possible d'articuler des mots. Et tout a été lu comme de la violence et il n'y a jamais eu une compréhension qu'il y avait des inégalités dans les quartiers populaires. Et puis, on a aussi bien conscience des traitements des migrants et du fait que toute l'immigration en France, elle est régie par des lois d'exception et même pas par le droit commun. Ça veut dire que l'inégalité, elle existe déjà dans la justice, dans le traitement de ceux qu'on appelle les sans-papiers, mais qui en fait sont des gens comme les autres, juste à qui l'État décide de faire une vie impossible. Et en tant que féministe, on s'est aussi plusieurs fois prononcé contre l'inégalité que subissent les femmes musulmanes parce qu'elles portent un voile et que du coup elles sont toujours sommées de se justifier de ne pas être soumises et elles doivent toujours reparler de leur choix, expliquer leur choix et elles galèrent pour chercher du travail, pour aller chercher les enfants à l'école, tout est une galère. Et cette situation-là actuelle, elle n'est pas terrible, mais on va continuer maintenant avec un morceau de musique. No sé qué pasa, Chiri del Ba. Hay mucha mierda sobrevalua. Pusin es libre, gente encerra. Se escuchan helicópteros sobrevolar. Es de esas personas que marcan, que ofrecen dignidad en la cuadra. Organiza y arma la banda, tira frases, son todas buenas. Ahora que está todo en silencio, hasta las estrellas se escuchan. Desafina una ave alienada, rompe el sueño a las 3:30. Si vamos de la mano, me llevo este regalo. Guiño del fin del mundo, ahora nos perdonamos. ¿Qué pasa, Chiri del Ba? Hay mucha mierda sobrevalua. Bucin es libre, gente encerra. Se escuchan helicópteros sobrevolar. ¿Qué pasa, Chiri del Ba? Hay mucha mierda sobrevalua. Bucin es libre, gente encerra. Se escuchan helicópteros sobrevolar. ¿Quién maneja en ese infierno? ¿Dónde estás bailando? ¿Quién vende en ese cielo? ¿Dónde estás comprando? Rayando las paredes, alta Ruchi 5. Bichi de menudeo, está flasheando narco. Si somos todas putas, dale guacha, what the fuck. Ojos color QR, cañas, click y me pagas. Si no hay aire, invento altura para poder respirar. Ya sé, en este sistema el amor es un capital. Chiri del Ba, hay mucha mierda sobrevalua. Bucin es libre, gente encerra. Se escuchan helicópteros sobrevolar. ¿Qué pasa, Chiri del Ba? Hay mucha mierda sobrevalua. Bucin es libre, gente encerra. Se escuchan helicópteros sobrevolar. Saca la placa, conche tu ma. Así cualquiera puede pelear. Cabeza de tacho y arma reglamentaria, parando a las trabas, auténticas gangsters. Aussi du coup là avec ce texte là où du coup on voulait prendre position et puis rappeler effectivement c'est quoi l'islamophobie d'État et le racisme d'État et d'où ça vient et pourquoi ça perdure. Un autre des mécanismes du racisme et comment ça se voit, c'est comment en fait comment les musulmans ont absolument pas la parole dans les médias et que notamment là autour du collectif contre l'islamophobie en France, ça a été relayé à balle un peu partout sur tous les médias, que c'était une association qui allait être dissolue parce qu'elle elle faisait l'apologie du terrorisme. Et en fait, grosso modo, à quel moment est-ce qu'on a entendu les gens du CCIF expliquer c'était quoi cette association, à quoi elle servait et comment est-ce qu'ils se défendaient? Bah, on l'a quasiment pas entendu. Du coup, bah nous, ça, on avait vachement envie et aussi, enfin, on avait vachement envie du coup, un, que l'ancien directeur et porte-parole là, qui s'appelle Marwan Muhammad, qu'il a fait un long interview d'une quinzaine de minutes qu'on peut trouver sur internet sur le site qui s'appelle Le Média. Et on avait envie de vous le passer parce qu'on trouve que c'est une prise de parole politique extrêmement forte ce qui déroule dedans, et où aussi il revient sur c'est quoi le CCIF et pourquoi c'est attaqué. Voilà, du coup on vous passe ce montage de toute façon il se représente dedans quoi. Voilà, bonne écoute. Et vous êtes toujours sur Radio Dio 89.5 dans l'émission Comme un ouragan. Je m'appelle Marwan Muhammad, je suis statisticien, ingénieur financier de formation. J'ai été le porte-parole puis le directeur du collectif contre l'islamophobie en France, avant ensuite de cofonder la plateforme Les Musulmans, qui rassemble des associations et des dizaines de milliers d'adhérents. Le collectif contre l'islamophobie en France, c'est une association qui se crée en 2004 pour lutter contre les discriminations et les violences qui visent des personnes de confession musulmane ou non, à raison de leur religion supposée. Donc des gens qui sont exclus de leur travail, des gens à qui on refuse l'accès à un commerce ou à un restaurant, des gens que l'on insulte ou que l'on frappe à cause de leur religion réelle ou supposée, parce qu'il y a même des non-musulmans qui sont victimes d'islamophobie. Et donc le travail du CCIF pendant ces 16 dernières années, ça a été d'assister des milliers de victimes, de déclarants, dans l'accès à leurs droits et la préservation de leur liberté. Dans cette affaire, dans l'attaque abjecte qui a eu lieu vendredi, le CCIF a strictement rien fait, n'a pas entamé de démarche, n'a pas communiqué, n'a pas contacté l'établissement, n'a pas relayé de vidéos ou d'informations. Ce qui s'est passé par contre, c'est que comme des milliers de personnes chaque année, il y a des gens qui contactent le CCIF, qui lui écrivent ou qui appellent le guichet. Et le monsieur en fait qui avait tourné la vidéo et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux, 3 jours plus tard, il cherchait des soutiens et il a contacté le CCIF. Et la personne au guichet lui a dit très simplement, nous en fait on vous recontactera éventuellement pour vérifier les faits quand notre service juridique sera disponible, mais en attendant on vous recommande très fortement de retirer cette vidéo parce qu'elle est problématique, à la fois puisqu'elle cible une personne, et elle est contre-productive, elle est dangereuse en fait dans sa diffusion. Donc non seulement le CCIF n'est pas intervenu, n'a pas diffusé, n'a pas encouragé, n'a strictement rien fait de concret dans cette spirale dramatique qui a abouti à un assassinat horrible, mais en plus, elle avait au contraire incité à désescalader ce sujet, à dépublier une vidéo dont on pensait et dont on était à peu près tous d'accord qu'elle était problématique dans ses moyens comme dans son objectif. J'ai réagi de manière très, très personnelle. J'ai réagi comme un père de famille, comme un enseignant, comme quelqu'un qui a investi dans les communautés éducatives de toutes les écoles où mes enfants ont été scolarisés et ayant moi-même enseigné pendant des années. Donc une réaction viscérale, une réaction de déchirement, un sentiment de terrible gâchis, parce qu'en fait c'est un terrible gâchis quand un enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui a dédié sa vie à transmettre le savoir, au bout du compte finit assassiné. Pourquoi ? Pour des idées en fait. Et dans le même temps, quelqu'un qui n'a strictement rien à voir avec la situation, un jeune de 18 ans qui vient de province et dont la mission est d'assassiner un enseignant parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Et ça c'est un crime abject. Et au niveau collectif, c'est un terrible gâchis, parce que ça veut dire que dans notre société, cet espace de dialogue où on échange ensemble, où l'école, quelque part, est le lieu de la rencontre des idées, la rencontre des savoirs, la rencontre des personnes, eh bien, on a un échec collectif de ce point de vue, de ce point de vue-là. Et puis, la terrible émotion de cette brutalité, au bout du compte, de cette violence dans sa plus brutale expression, en fait. Parce que, en fait, c'est ça l'objectif principal et premier du terrorisme. C'est de créer une réaction, de créer une déferlante émotionnelle, une opposition, en fait, entre des gens, de créer le conflit, au bout du compte, et d'inspirer et d'instiller la peur. Le CCIF ne prend pas en charge les cas qui sont liés à des questions de blasphème ou de liberté d'expression au sens général du terme. Ce n'est pas le mandat de l'association. Ça veut dire que le CCIF n'intervient pas, ni juridiquement, ni publiquement, pour essayer de criminaliser Charlie Hebdo ou de criminaliser des gens qui vont faire des caricatures. Même si, à titre personnel, on peut être en désaccord ou on peut désapprouver une ligne éditoriale ou un message qui est véhiculé par certaines de ces caricatures. Mais le CCIF n'a jamais intenté de procédure pour blasphème. Par contre, sur des exemples précis où une personne va insulter une autre personne en raison de sa religion, sur des cas précis où une personne va inciter à la haine et à la violence contre un groupe de citoyens communs, contre un groupe d'êtres humains en raison de leur couleur de peau, leur origine ou en l'occurrence leur religion. Là, le CCIF, comme toute association antiraciste, est fondée à agir et c'est comme ça qu'on a fait condamner, à l'époque où j'y travaillais encore, des publications comme Valeurs Actuelles pour incitation à la haine. Dire qu'on rejette et qu'on critique l'islam, ça c'est totalement libre. Dire que les musulmans sont des terroristes ou qu'ils sont des néo-nazis et qu'il faut les expulser du pays ou les envoyer dans des camps de concentration, ça c'est une autre histoire. Ça s'appelle de l'incitation à la haine raciale. Dans les lois françaises, il y a ce qu'on appelle des critères protégés. Les critères protégés, c'est des choses dans l'identité, dans la personnalité des gens, dans l'origine des gens, en fait, qui, pas les définissent, mais peuvent être la cible de stigmatisation ou d'exclusion. Être une femme, ça peut nous exposer au sexisme. Être homosexuel, être juif, être musulman, être noir, être d'origine d'Afrique subsaharienne, être de tel pays ou de tel autre, être de telle obédience, parfois ça aboutit à des situations d'exclusion. Et c'est justement ces critères-là, en fait, qui constituent des critères protégés. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on exclut quelqu'un sur la base de ces critères, c'est ça qui devient illégal. Et la religion ou l'appartenance religieuse supposée fait partie de ces critères protégés. C'est ce cadre juridique qui permet au CCIF d'agir. Donc le fait d'accuser le CCIF d'être islamiste, fondamentaliste, de soutenir des mouvements radicaux et ainsi de suite, ça c'est en fait les accusations génériques qu'on sort du chapeau, le plus souvent sans la moindre preuve, pour essayer de dénigrer ou de disqualifier une association au bout du compte, juste parce qu'elle fait son travail. Et le plus souvent en fait, ce sont des gens qui sont les premiers agitateurs et les premiers animateurs de la stigmatisation des musulmans. Mais en fait, il y a quelque chose qui est assez pervers derrière, en fait, c'est que les musulmans, en fait, ils n'ont pas le droit de se battre pour leurs droits. Dès qu'ils le disent ou dès qu'ils le font, on va les accuser de défier la République. Au bout d'un moment, on se dit même que les musulmans, pour certains, ne devraient même pas avoir droit à la parole. Quand on voit les polémiques que soulève la simple présence ou la simple visibilité, que ce soit d'une personne engagée dans un syndicat, comme c'est le cas de Mariam Pouchtou, que ce soit le cas d'une chanteuse comme Menel, que ce soit le cas d'une blogueuse cuisine comme Iman Boun. Au bout du compte, le simple fait de s'exprimer et de ne pas cacher, de ne pas masquer, de ne pas invisibiliser sa religiosité, ça en soi, c'est construit comme un problème. Comme si au bout du compte, on était satisfait des musulmans que lorsqu'ils étaient totalement exclus en fait, du champ du débat public. Être accusé d'être des islamistes pour ça, ou être accusé d'être des islamo-gauchistes parce qu'on est contre le racisme, tout ce type de casquettes et de catégories qu'on jette aux gens, sincèrement, quand ça vient de la part de racistes, il faut le porter comme un pins et pas s'inquiéter de ça, et se concentrer sur notre travail, celui de la préservation des libertés fondamentales. Il y a Gérald Darmanin qui demande la dissolution du CCIF. Alors là, franchement, je me pose des questions plus larges en fait, sur Gérald Darmanin et ses motivations. Il y a quelques années, il soutenait le CCIF, il participait même à une conférence au premier rang dans le Nord, à Tourcoing, pour soutenir la lutte contre l'islamophobie. Aujourd'hui, il demande la dissolution de l'association. Sincèrement, ce n'est pas très sérieux. Il n'y a pas de base factuelle, il n'y a pas de base juridique pour dissoudre le CCIF. Ça veut dire qu'en fait, cette déclaration, elle repose sur une volonté politique. Une volonté de criminaliser la lutte contre l'islamophobie en particulier et la lutte pour la préservation des libertés fondamentales de manière générale. Et on voit que malheureusement, ce gouvernement, une étape après l'autre, a été initialement élu pour faire barrage au Front National, je ne l'appelle pas le Rassemblement National parce qu'il n'a rien de rassembleur, et qui, 3 années plus tard, se retrouve à lui faire le plein d'essence. Donc cette dynamique, une année après l'autre, de droitisation et d'intériorisation, d'incorporation en fait, de l'idéologie d'extrême droite dans les mesures du pouvoir et dans une dérive qui est parfois autoritaire, ça là, c'est un processus qui est très dangereux parce qu'en fait, ça démontre que quand le gouvernement est en échec sur le plan politique, économique, social, éducatif, sanitaire dans notre pays, il a besoin de trouver des boucs émissaires et son seul moyen de trouver des réserves de soutien et des réserves de voix en projection de l'élection présidentielle qui arrive, c'est d'aller braconner sur les terres de l'extrême droite. Il ne faut pas se tromper quand le ministre de l'Intérieur demande la dissolution du CCIF. En fait, ce à quoi on s'attaque, c'est les libertés fondamentales, notamment celles des associations, et la possibilité pour tous les défenseurs des droits humains de dire et de dénoncer quand il y a des problèmes dans notre pays. Et le CCIF est dans le viseur, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est efficace. On reproche au CCIF d'avoir fait condamner des figures politiques de premier plan pour leurs propos racistes. On reproche au CCIF, avec la LDH, d'avoir fait annuler tous les arrêtés burkini qui ont envenimé l'ambiance dans le pays en 2016. On reproche au CCIF d'avoir défendu des centaines de personnes qui avaient été perquisitionnées injustement et d'avoir révélé la nature arbitraire, parfois abusive, de ces mesures. Donc ce qui est reproché au CCIF, c'est au bout du compte de faire son travail et de mettre en question les dynamiques parfois racistes qui ont trait dans notre société et de mettre en cause les responsabilités parfois politiques qui ont conduit à cette situation. Le travail du CCIF, c'est de lutter contre l'islamophobie sous toutes ses formes. Pour faire ce travail, le CCIF doit être accessible à toutes les parties des communautés musulmanes. Or, les communautés musulmanes, elles sont diverses. Dedans, il y a des progressistes, dedans, il y a des gens qui sont équilibrés, d'autres gens qui sont très traditionalistes, des gens qui ont une lecture très intellectualisée ou culturelle du fait musulman, d'autres qui ont une conception très normée, voire normative, du fait musulman. Le travail du CCIF, ce n'est pas de juger leur opinion. Le travail du CCIF, c'est de préserver leur liberté fondamentale. Donc, il se trouve que parmi les déclarants du CCIF, on a de tout. Des gens qui portent le foulard, d'autres qui ne le portent pas, des gens qui ont une barbe, d'autres qui n'en ont pas, des gens qui ont une compréhension du fait religieux qui est très littérale, d'autres personnes qui n'ont pas une pratique religieuse particulière. Et le travail du CCIF, c'est de les traiter tous à égalité et de préserver leur liberté à tous. Donc, ça paraît nécessaire de le rappeler, même si c'est une évidence, défendre les libertés de quelqu'un, ça ne veut pas dire approuver tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. Donc, quand on défend un imam qui a été injustement perquisitionné, on ne regarde pas les centaines d'heures de vidéos qu'il a fait. Et si lui, il a une vision, je dirais, littérale des textes musulmans, bah, c'est son opinion à lui. Ce n'est pas nécessairement l'opinion ni des personnes qui constituent le CCIF, et encore moins du CCIF, puisque c'est une association à religieuse. Donc, en fait, ça là, ce distinguo, il faut bien le faire. Défendre les libertés de quelqu'un, ce n'est pas nécessairement approuver l'ensemble de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, mais c'est considérer qu'il doit avoir le droit de le faire dans les limites de la légalité française. Sauf que quand on parle d'associations qui travaillent avec les musulmans, en fait, il y a toujours cette volonté en fait, de créer des collusions. Si on défend les libertés de quelqu'un, c'est qu'on le soutient. Et ça veut dire qu'on est proche de telle mouvance. Et l'expression « proche de », en fait, elle ne veut rien dire objectivement, mais elle permet d'essayer de disqualifier par capillarité des personnalités politiques ou des personnalités associatives. Vous citiez tout à l'heure la marche contre l'islamophobie en novembre 2019. Vous avez bien vu les processus qui étaient à l'œuvre. On essaie de dire « Ah ouais, les élus de gauche sont des soutiens du terrorisme. Pourquoi ?» Parce qu'en fait, ils ont manifesté avec des associations de gauche. Ces associations de gauche, elles travaillent avec des associations de lutte contre l'islamophobie. Les associations de lutte contre l'islamophobie défendent des musulmans, parmi lesquels des imams rigoristes. Parmi les imams rigoristes, il y en a qui ont des discours très traditionalistes et certains ont inspiré des gens. Et ces gens-là, ils avaient un téléphone et dans leur téléphone, on a trouvé des vidéos qui soutiennent le terrorisme. Et par conséquent, on va disqualifier tous ces gens-là par capillarité. Et la phrase française « si ce n'est toi, c'est donc ton frère » s'applique parfaitement à ce contexte-là. Donc on rejette en bloc et on rappelle cette dichotomie nécessaire entre préserver les libertés d'expression de quelqu'un ou les libertés d'association ou les libertés fondamentales d'une personne ou d'une structure d'une part et d'autre part adhérer ou non, soutenir ou non ses idées et ses actes. Pour prendre un exemple dans le cas opposé, défendre la liberté d'expression de Charlie Hebdo ou de n'importe quel média, ça ne veut pas dire approuver tout ce que ces journaux publient dans le moindre détail de leurs articles. Mais on pense qu'ils doivent avoir le droit d'écrire leurs articles, de publier leurs dessins, de faire ce qu'ils veulent à peu près, mais sans nécessairement qu'on soit obligé d'approuver tout ce qui se dit et tout ce qui se fait. Il y a un certain nombre de médias qui devraient faire un exercice d'autocritique, que ce soit sur le plan des idées ou tout simplement de la déontologie journalistique. Je vois un certain nombre de procédés qui sont à l'œuvre dans le traitement du fait musulman de manière générale et des questions d'islamophobie de manière particulière. Dans le regard médiatique, les musulmans sont soit des méchants, soit des ignorants. Donc les musulmans qu'on montre à la télévision, soit ça va être des gens qui tiennent un discours véhément, hostile, qui vient confirmer le stéréotype qu'on voudrait dresser, soit c'est des gens qui sont là pour leur docilité. Ils dénigrent le reste de leurs coreligionnaires, ils valident l'idéologie d'exclusion qui les vise, et leur principale fonction politique, c'est de valider le racisme qui vise les Arabes, les Noirs et les musulmans. La volonté de montrer ça comme une image représentative de l'ensemble des musulmans, ça pose problème. Et quand, très rarement, il y a des fenêtres où au bout du compte, on ne peut plus cacher la parole musulmane. Et donc on est obligé d'inviter des gens, ne serait-ce que pour donner les apparences de la pluralité du débat. Là, en fait, on va avoir des interlocuteurs musulmans qu'on met en accusation. Est-ce que vous condamnez ? Est-ce que vous condamnez ? Est-ce que vous condamnez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec tel imam ? Est-ce que vous êtes d'accord avec telle structure ? Est-ce que vous avez dénoncé ? Est-ce que vous avez publié un communiqué ? Comme si au bout du compte, en fait, il y avait une espèce de tribunal médiatique et à chaque fois qu'il y a un homme ou une femme musulmane, il devait être lui ou elle comptable de ce que font 1,8 milliard de musulmans à travers le globe. C'est comme ça que, sur une échelle de temps de 2, 3, 4, 5 ans, on se retrouve avec des plateaux télé qui, au bout du compte, j'ai même pas envie de dire que c'est le café ou le troquet ou le guichet du coin, mais par contre une espèce de club raciste où, en fait, on est dans des monologues collectifs où moi, je pense qu'il faut interdire ceci, et l'autre arrive et dit « Oui, je suis complètement d'accord, mais encore plus interdire, ce serait bien. Oui, mais quand même, les Tchétchènes, ça pose un problème. Oui, mais aussi les Arabes, ça pose un problème. Oui, mais moi, je propose qu'on les remigre tous. Oui, mais moi, je pense qu'il faut interdire le foulard dans l'espace public. Oui, mais moi, je pense que critiquer les violences policières, c'est inciter à la guerre civile. Oui, mais moi, je pense qu'en fait, les associations qui dénoncent le racisme sont elles-mêmes racistes. » Et cette dynamique-là, cette spirale-là, au bout du compte, il y a deux vainqueurs, les chaînes qui animent ces débats-là pour augmenter leur audience et leur budget publicitaire, mais l'immense vainqueur, en fait, c'est l'extrême droite. Et elle a réussi à imposer son agenda dans des chaînes qui se disent être des chaînes info, et ça influence la manière dont les autres médias reprennent ces questions, et ça normalise, en fait, des questions et des formes de questionnement d'extrême droite. Je prends tout simplement un exemple pour terminer là-dessus. On est en train de discuter, par exemple, de la question des mamans accompagnatrices portant un foulard dans les sorties scolaires. C'est le énième débat qui revient de manière cyclique tous les 6 mois, soit par Blanquer, soit par Marine Le Pen, soit par Manuel Valls, ou n'importe quel autre de cette mouvance-là. Et on va avoir des médias, par exemple, qui font un sondage. Est-ce que vous êtes pour ou contre la participation des mamans portant un foulard dans les sorties scolaires? Faut-il interdire le port du voile pour les sorties scolaires? Selon un sondage du Journal du Dimanche, 3 Français sur 4 sont pour l'interdiction du port de signes religieux aux parents d'élèves en sortie scolaire. Et en fait, le fait de poser la question, en fait, d'un point de vue statistique, ça a un effet de cadrage, ça a un effet performatif. Parce que quand on pose la question, est-ce que oui ou non les femmes peuvent porter un foulard ou une mini-jupe ou un tank top ou un short ou un fichu ou un turban ou autre, ça induit l'idée que c'est un sujet d'opinion et que c'est sujet à débat. Mais en vérité, la liberté fondamentale et la liberté individuelle ne concernent que la personne en question. Elles ne concernent pas la population. Ma liberté à moi, elle n'est pas le fruit d'un vote de 60 personnes qui disent « Ah tiens, il a aujourd'hui le droit de porter un pull bleu et une chemise rose. C'est mon choix à moi. » Donc en fait, ce type de méthode-là, ce type de questionnement-là, induit dans l'opinion publique et dans l'imaginaire collectif l'idée que si on fait basculer un sondage dans un sens ou dans l'autre, ça donne un argument pour restreindre des libertés fondamentales. Et ça, c'est vraiment la preuve la plus évidente que, d'un point de vue médiatique, le traitement du fait musulman pose problème d'un point de vue idéologique, politique, mais aussi méthodologique. Voilà, du coup, on vient d'écouter ce long interview de Marwan Mohamad, qui était l'ancien directeur et porte-parole du collectif contre l'islamophobie en France. Nous, on trouve en tout cas que c'est une parole super importante et des prises de position politiques nécessaire à entendre en ce moment. On voulait bien juste rebondir sur le fait qu'à un moment donné, il évoque ça, et c'est aussi des discours qui sont pas mal racontés en ce moment, de dire « Ah, tout ce discours raciste et islamophobe, c'est aussi une bataille politique pour aller ramener des voix et aller chercher des voix sur le terrain de l'extrême droite ». Nous, on pense qu'en fait, l'islamophobie et le racisme d'État, ça traverse tous les courants politiques et pas que le courant d'extrême droite, parce que justement, l'islamophobie et le racisme d'État, c'est une des structures fondamentales qui structure la France et par extension tous les États-nations. Voilà, c'était un peu le petit rajout qu'on voulait faire. Et puis après ça, il est grand temps de s'écouter un peu de musique. Et oui, on va écouter Wrap My Hijab de Mona Haidar, qui est une super rappeuse états-unienne. Et cette chanson rebondit aussi sur les dernières paroles de l'enregistrement qu'on vient d'écouter. Parce que du coup, en gros, ce qu'elle dit, c'est que même si t'aimes pas ça, eh ben, je fais ce que je veux et je vais porter mon voile. Like, better hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world, love women every shade of hand. Ladies, we was born in the 80s, so pretty like the Euphrates, and party like some Kuwaitis, deeper than some diplomas, current like some hot yoga, taking back the misnomers, and teleporting through trauma, teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti, no drama, make a feminist planet, woman haters get banished, covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women every shade of. Even if you hate it, I still rap my hijab. Rap my hijab. Rap my hijab. Rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab. Swagging my hijab. Swagging my hijab. Swagging, swagging my hijab. I still rap my hijab. Rap my hijab. Rap my hijab. Rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab. Swagging my hijab. Swagging my hijab. Swagging, swagging. You're just jealous of my sisters, these mixers, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these Sunnis, these Shiais, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis, Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong and Laos, Senegalese and Burkina Faso. De s'écouter Rap My Hijab et vous êtes toujours dans l'émission Féministe comme un ouragan sur Radio Dio 89.5. On avait envie de continuer cette émission d'actualité avec la lecture d'une lettre écrite en 2015 après les attaques terroristes à Paris. Du coup, c'est une lettre qui a été écrite par Ouzane Mahmoud, une camarade militante féministe kurde née en Irak. Pourquoi est-ce qu'on a choisi de lire cette lettre ? Parce qu'elle revient sur qu'est-ce que c'est aussi que d'être en lutte permanente contre le terrorisme islamiste à l'extérieur de l'Europe et qu'elle vient bien resituer l'essentiel du combat contre le racisme et contre le capitalisme sous toutes ses formes, et qu'elle vient bien aussi remettre un peu les points sur les i sur le côté très européen centré là, des dénonciations des attaques terroristes islamistes, parce que quand ça se passe en Europe, ça fait tout de suite, et alors que quand ça se passe en dehors de l'Europe, on n'en entend pas parler. Et pour exemple, rien que cette semaine, il y a eu plusieurs attaques terroristes qui ont fait beaucoup de morts en dehors de l'Europe par le terrorisme islamiste, notamment au Cameroun anglophone le 24 octobre, où il y a eu 8 enfants qui ont été tués, à Kaboul le 24 octobre aussi, où il y a eu au moins 24 morts et 57 blessés. Également le 26 octobre, du coup, hier, dans une école musulmane à Peshawar au Pakistan, qui a fait 7 morts et plusieurs dizaines de blessés. Voilà, du coup, je vais commencer la lecture de cette lettre. Du coup, je rappelle, lettre écrite en 2015 par Ouzan Mahmoud, militante féministe kurde née en Irak. Alors, lettre à mes amis et camarades en France après les attaques terroristes à Paris. Chers amis, le 31 octobre 2015, je participais à une grande conférence sur la paix dans la ville d'Ypres, en Belgique, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Je me suis adressé aux participants sur le danger de Daesh en particulier et sur l'idéologie islamiste en général. Mon point de vue était « Personne n'est plus en sécurité, même nous, dans cette salle de conférence. » Je sentais que le public pouvait penser que j'exagérais. Ce que nous disons, moi et d'autres militants du Moyen-Orient, depuis plus d'une décennie, est plus visible que jamais. Ce qui est arrivé le 13 novembre au cœur de Paris est inhumain, et je le condamne. Je vous présente mes condoléances profondes de cœur et de solidarité, ainsi qu'à tous les Français pour avoir été les témoins de ces attaques barbares et avoir perdu des êtres chers. Hier, et il y a quelques jours, le Liban, l'Afghanistan, Bagdad, la Syrie, et de nombreux autres endroits innombrables ont été touchés par les islamistes. Les militants comme moi, au Moyen-Orient, qui ont enduré le fanatisme religieux, la misogynie et le diktat, ont mis en garde l'Occident sur son soutien sans faille aux groupes islamistes, à la fois en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Ce sont seulement les civils ordinaires qui sont utilisés partout comme cibles molles par les islamistes. Alors que je suis pleinement solidaire avec les civils et les victimes des attentats terroristes islamistes à Paris, mais je ne peux pas rejoindre le slogan qui dit « Nous sommes tous Français ou Parisiens ». Être kurde d'Irak et femme qui s'oppose à la tyrannie, au nationalisme, à l'islamisme, au sexisme et à toutes les formes de ségrégation capitaliste des êtres humains m'empêche de dire que je suis française, même si c'est symbolique ou même si c'est momentané. Des milliers de personnes sont tuées, violées, vendues en esclavage, décapitées, exécutées et opprimées pendant des décennies. Et nous ne voyons guère les gouvernements occidentaux pleurer les morts irakiens, syriens, libanais, afghans ou kurdes. C'est seulement quand l'horreur arrive chez soi que la portée de la brutalité commise par ces groupes terroristes devient soudainement réelle et que le jeu entre les civilisés et les sauvages commence. Il n'y a aucune division civilisée ou sauvage entre nous, les humains. Ce type de programme ne convient qu'aux deux côtés de ce jeu dégoûtant. Il est donc sage de ne pas se joindre à ces slogans d'exclusion, de division nationaliste, tels que nous sommes tous français, ou bien nous, les civilisés, et eux, les réactionnaires sauvages. Car je sais que cela contribue aux divisions et au racisme existant, et ne favorise pas notre lutte qui est opposée à toute forme de racisme. Cela divise encore la société entre deux camps qui ne seraient pas réalistes. Les sociétés ne doivent pas être divisées sur cette base. Nous sommes civilisés et les autres sont des sauvages. Nous ne devrions pas perdre de terrain face à ces divisions réactionnaires et racistes. Nous devons nous rappeler que des millions de musulmans ordinaires à travers la région sont victimes du terrorisme islamique. Merci à l'Occident pour leur protection des dictateurs en Libye, Syrie, Iran, Irak, Égypte et dans d'autres endroits. Et aussi de nourrir l'idéologie islamiste sous prétexte de « ceci est authentique et appartient aux sauvages ». Des milliers de personnes dans notre région refusent de se plier à ces groupes terroristes islamistes authentiques et aux États. Regardez la résistance des femmes et des hommes, jeunes et vieux du Kurdistan, qui sont les armes contre ces groupes islamistes. Ce que nous devons faire en tant que progressistes est de nous tenir partout fermes contre ces attaques horribles et dans le même temps être attentifs et nous opposer à la division capitaliste dans nos sociétés sur la base de civilisés et sauvages, nous et eux, nos valeurs et leurs valeurs. Cela ne fera que fournir un terrain fertile aux groupes terroristes comme Daesh, Boko Haram, Al-Qaïda et servir beaucoup d'autres pour prospérer. Nous avons besoin de l'unité sur nos propres termes, sur la base de l'égalité entre tous les peuples. Amour et solidarité. Ouzan Mahmoud. Bon, on a choisi ce texte aussi parce qu'on le trouve encore assez actuel, même si là, on a déjà dit, ça date de 2015. Mais bon, on a beaucoup de textes et des montages comme ça dans notre émission, alors on fait un petit d'autres morceaux de musique, non ? Pour écouter, avant qu'on continue. Oui, on va écouter M.I.A., M.I.A., Borders. C'est parti. Freedom, item, meet 'em, where'd you read 'em? This one needs a brand new read 'em. Weed and the key, weed and the key into life, let's beat 'em. Weed them smartphones, don't beat 'em. Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Broke people, what's up with that? Broke people, what's up with that? The realness, what's up with that? The new world, what's up with that? I'm gonna keep up on all that. Guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peeps, seven players on the app. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Alors, on est toujours et encore comme un ouragan. Et bon, faut pas oublier de danser, c'est pour ça toute la musique. Et là, avant de passer la prochaine ou dernière montage, c'est en fait, on a eu envie aussi de voir qu'est-ce qui se passe d'autre, un peu plus powerful à ce moment-là. Et on n'a pas entendu beaucoup, c'était dommage, mais on n'a pas entendu beaucoup dans les médias. Que là, il y avait, à partir de septembre jusqu'au 17 octobre, il y avait la marche des sans-papiers, la marche de solidarité. Et en fait, on a interviewé Oussama, qui est dans les collectifs sans-papiers à Grenoble, qui va nous raconter un peu qu'est-ce que s'est passé, ou c'était pourquoi cette marche qui se finit là. C'est une grande marche à Paris le 17 octobre. Et voilà, on va écouter qu'est-ce que lui il a dit. Salut, bonjour. Je voulais te demander des choses sur la marche des sans-papiers. D'accord, donc bonjour, je me présente Oussama de CSP38, le collectif des sans-papiers de Grenoble. Donc là, pour la marche, elle était bien, bien passée la vérité. On dit entre nous bien réussite, puisqu'on est arrivé à amener un grand cortège de gens, et était vers les 120 000 personnes manifestants. Donc pour nous, on était super contents de ça. Ok, super. Je voulais demander quand même d'abord, c'était pour toi ou aussi pour les autres, c'était quoi le but ou l'objectif de cette marche ? On a marché pour nos droits, pour demander nos droits, pour l'arracher, parce que les droits à la liberté ne sont jamais donnés, il faut l'arracher. On a trois revendications qu'on a demandées et on reste comme ça, on ne lâche rien. Donc les trois revendications, donc, c'est la régularisation de tous les sans-papiers, inconditionnels et sans exception. On a la fermeture des centres de rétention administrative et on a le logement pour toutes et pour tous. Ok. Et tu as l'impression que là, la marche, ça a aidé à réussir ces objectifs ? En espérant ça, parce que là, ça fait... ça, c'est la marche, elle, c'est l'acte 3. Donc, on a déjà organisé 12 jours d'action avant, qui a été le 30 mai pendant le confinement, le 30 mai, juste après le déconfinement, le 30 mai, le 20 juin. Donc on n'a rien reçu comme réponse, le gouvernement toujours sourd, il n'y a pas aucun signe, aucune réponse. Donc à cause de ça, on a décidé d'organiser l'acte 3, donc on a décidé de marcher. Malgré, c'est pas facile de marcher. Pour moi, j'étais témoin, j'ai marché 600 km de Grenoble à Paris. Il y a les camarades de Marseille qui sont marchés un mois. Marché, vous savez bien qu'on a commencé fin de septembre, début octobre. Donc le temps, il n'est pas bien, la vérité. On a marché sous la pluie, sous le vent. On a passé des nuits horribles dans les tentes trop mouillées. La plupart de nous, ils sont tombés malades. La fatigue, les ampoules. Mais quand même, on a réussi à arriver à Paris. On a continué ça et on est arrivé le jour le 17 octobre. Et là, le temps que j'ai regardé qu'il y a trop de monde, la vérité, j'ai oublié la fatigue. J'étais super content. Tu as envie de raconter un peu comment c'était le manif à Paris? La vérité, elle était super bien, bien organisée. On était pacifique, on a marché avec un cortège, on a chanté, dansé, amusé, on n'a rien fait, on est resté pacifique, on a demandé nos droits, nos revendications, et après on est rentré chez nous, on attend toujours la réponse. Ok. Et tu as envie de dire un peu un moment difficile, mais aussi un moment powerful de cette marche ou à Paris? Oui, il y a plusieurs, parce que là, ils ont essayé d'arrêter la marche avec tous les moyens. Ils ont commencé par le confinement et après, c'est juste la veille de la manif, le président a décidé de faire le couvre-feu. C'est pas avant, c'est pas après, mais c'est juste la veille de la manif. Moi, je trouve pas ça au hasard. Elle a été bien programmée parce que la manif, elle était le 17, le samedi 17. Et l'heure 2-0, ça a commencé le vendredi soir à minuit, donc on dit samedi matin. C'est juste la veille de la manif, ça c'est... Déjà, ils sont empêchés d'aller à l'Élysée. On a essayé de négocier pour aller à l'Élysée. Ils ne sont pas acceptés. Même à la place Concorde, on était empêchés. Toutes les routes sont été barrées, bloquées. Donc on est resté devant la mairie de Paris. La vérité, on a passé des moments super bien avec les camarades. On était vraiment nombreux. Donc... la vérité, ça a été bien passé. On attend juste les prochains actes, parce que là, c'est sûr qu'on n'arrête pas là. On est en train d'organiser l'acte 4. On a quelques propositions avec les camarades, avec les autres orgas des autres régions de France. Donc, ce soir, on a une réunion par Zoom, par téléphone. On a dit quelques propositions. On va décider qu'est-ce qu'on va faire pour la suite. Powerful, ça veut dire ça, je sais pas en français. Qui t'a donné la force? Les moments qui sont donnés la force, c'est c'est le temps qu'on était, parce que là on est commencé de Grenoble, on était vers les 60 personnes les deux premiers jours. Après il y a des autres qui sont rentrés chez eux, ils ont son idée pour marcher avec nous un ou deux jours. Et le jour qu'on a rejoint les autres, l'autre axe, l'axe sud-est de Marseille, de Montpellier à Lyon, là on était nombreux, donc là c'est magnifique aussi. Et petit à petit, quand on traverse les villes, les villages, donc il y a des gens qui rejoignent la marche. Donc là, c'est des moments vraiment super bien. On a passé des moments vraiment aussi comme une grande famille. Et surtout le soir, on joue du foot de temps en temps, il y a de la musique, on cuisine ensemble. Là, c'est vraiment, c'est la vérité, c'est des moments inoubliables. C'est bien ça. Et justement, tu as un truc à rajouter que tu as envie de raconter Oui, ça c'est sûr, parce que moi je parle de ça, parce que je suis un témoin sur le territoire français. Ça fait 8 ans que je suis là. Je n'ai pas arrivé hier ou avant-hier, ça fait 8 ans, après bientôt 8 ans. La vérité, je suis trop fatigué. J'en ai marre de cette vie, de la maltraitance, ils nous traitent, je ne sais pas comme quoi, je n'ai pas les animaux. Parce qu'entre guillemets, les animaux en France et en toute l'Europe, tout le monde, dans le monde entier en 2020, moi je ne trouve pas qu'il y a un animal, ou je ne trouve pas des animaux dans la rue, sans abri ou sans nourriture. Mais je ne sais pas, ils nous traitent comme ça, pourquoi, je ne sais pas, je ne comprends rien. On travaille là, on vit là, on a des familles, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune réponse, on travaille dans le blague, tout le temps peur. Quand on marche dans la rue, on n'est pas comme les autres, on regarde à droite, à gauche, il y a des contrôleurs. Donc la plupart du temps, ils sont déjà stressés et maladés à cause de ça. Et surtout les enfants, tu sais. Pour nous, peut-être, on est des adultes, on peut s'y porter un petit peu. Je dis pas facile, mais on peut s'y porter. Mais pour nos enfants, c'est trop difficile. C'est toute l'année avec les copains dans les classes. Mais nos enfants, ils sont pas qui sont comme des autres. Au moment des vacances, tu sais, les enfants, ils demandent pourquoi on ne fait pas des vacances comme notre copain. Donc là, c'est trop difficile à expliquer. On dit là, on n'a pas le droit de voyager, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas l'argent. Donc c'est là, pour les enfants, c'est trop difficile aussi. Pour regarder avec un copain sur la même classe, mais les enfants, ils ne sont pas qui sont pareils, quoi. Donc là, c'est pour les enfants aussi, c'est pas bien. Donc, j'imagine que ça leur donne aussi l'énergie ou des voix, comme toi ou les autres, ils organisent des marches comme ça, ou des rencontres où il y en a plein des gens qui peuvent... Ça donne la force, ça donne la force. On ne lâche pas, on est là tout le temps. Et jusqu'à... Si on ne réussit pas nos revendications, on reste comme ça. Même deux ans, cinq ans, dix ans, on est là. On ne lâchera jamais. Je vais demander si tu veux écouter une chanson qui te donne la force, ou peut-être vous avez écouté aussi pendant la marche, comme ça on peut le jouer. Ouais, on a bien plusieurs chansons, mais mes préférées, c'est une petite chanson. Il y a deux. La première, c'est bien, on a... Ça me donne du... Comment dire, ça motive. C'est la chanson de So, solidarité avec les sans-papiers. Il y a une autre aussi qu'on a créée pour les villes, par exemple Grenoble, Paris à pied, c'est la marche des sans-papiers. Marseille, Paris à pied, c'est la marche des sans-papiers. Il y a plusieurs chansons, ça donne du courage, du motivation, et la vérité, c'est du bien. Pendant la marche, ça donne de l'énergie, malgré la fatigue. a fini par s'y faire. Mais c'est fini, le verre est plein. En bas écrit, entends-tu leur voix? La voix de ses familles, plein de chagrin. La voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Sentiment, rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté. Qu'on était mort, ils ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a que le peuple. Che Guevara ma taupe. Emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. Voilà, on a déjà arrivé à la fin de notre émission, presque une heure. Et oui, merci à Oussama qui nous a donné ses paroles dans cette interview. Et voilà, dans notre prochaine émission, dans 2 semaines, bon j'ai oublié la date, mais voilà, dans 2 semaines, le mardi à 21h, on a invité une personne de BDS de Saint-Étienne, qui va nous, on va dire, donner une petite formation en BDS et raconter voilà, comment ça gère le BDS à Santé, mais aussi plein d'autres choses. Et comme toujours avec de la bonne musique aussi. Et voilà, c'est tout quoi. Alors bonne soirée à vous et à la prochaine fois. Et bonsoir et à la prochaine avec Comme un Dragon. Et bonsoir et ce sera le 10 novembre. Bonne soirée.